étincelle. Je sens son cœur battant si fraternel. L'histoire de mon enfant en caramel. Je vois ses yeux souvent comme elle est belle. Si joyeuse en même temps. Joyeuse en même temps.